La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, M. Junior Junot, est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet qui vous invite à faire un trou d'un coup avec son vaste choix de camions, de voitures neuves et de voitures d'occasion pour tous les budgets. Saint-Félicien Chevrolet, 762 Boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien, 418-679-1605. Tout le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent une bonne saison à tous les golfeurs et toutes les golfeuses. On rappelle que cette chronique est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet. On va parler avec notre ami Junior Junot. C'est la chronique du directeur général du club de golf de Médoc-Saint-Jean. Junior Junot, salut Junior! Salut Danny. Junior, évidemment, donc on va parler un petit peu du Field Day régional qui a eu lieu à Saint-Prime, qui a eu lieu dimanche. Oui, dimanche passé, on avait le Field Day régional masculin. Chez nous, 50 golfeurs étaient présents, puis au final, c'est Pascal Fortin-Simard, le frère de Kevin, qui l'a emporté dans la catégorie 2A. Il est-tu bon, lui, en prolongation contre William Bourque. Il est pas pire? Ben, pour qui gagne dans le 2A, il est pas pire. Ouais. Il est quand même très bon, oui. OK. Un excellent joueur. OK. Donc, il est-tu plus jeune, plus vieux, c'est Kevin? L'âge exactement, je pourrais pas te le dire, là, mais il est pas vieux. Ça doit être un gars dans la trentaine, mais exactement, je pourrais pas te le dire. OK. Donc, maintenant, ensuite de ça, y avait-tu des golfeurs de Dolbeau aussi qui étaient là? On va en parler demain. Des golfeurs de Dolbeau, ben là, je pourrais pas te le dire, là, je m'occupe pas des golfeurs de Dolbeau. Non, mais tu peux parler des golfeurs de Saint-Brie. Oui, effectivement. Mais, donc, on va y aller avec je pense qu'il y avait seulement un joueur de Dolbeau qui est Dominique Caouette, qui, si je me trompe pas, a remporté la classe B. OK. OK. Par la suite, à Saint-Prime, y a-tu des bons golfeurs? Ben, on a Robin Gagnon qui a terminé deuxième dans la catégorie double B, et on a Daniel Franqueur qui a terminé troisième dans la catégorie A. OK, OK. Donc, ça se poursuit. Donc, la prochaine activité du club de golf de Saint-Prime, c'est quand? Ben, c'est aujourd'hui. On a le Field Day régional des jeunes, des juniors de toute la région qui sont ici. Une cinquantaine de golfeurs de la relève là, qui sont avec nous aujourd'hui. Okay. Justement, ils sont sur les allées actuellement de notre club de golf. Fait que pour l'instant, on n'a pas de résultats, mais pas mal de jeunes encore. Tout semble bien se dérouler. Oui, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Oui. OK. Dis-moi, y a-t-il des promotions? Nous, là, actuellement, non, on n'est pas nécessairement avec des promotions. Bien, on avait une promotion en fin de semaine dernière, mais nous, on est plus là, on est en préparation pour la semaine prochaine pour notre week-end golf, là, version COVID, là, entre guillemets, là, une version un peu plus réduite, là, mais on prépare là, nos deux journées d'activité là, de vendredi le 17 et samedi le 18. Okay. Puis à Dolbeau, je pense qu'il va y avoir un omnium Dolbeau-Saint-Prime comme les autres années, hein, finalement. Oui, le Dolbeau-Saint-Prime aura lieu la fin de semaine du 8 et 9 août prochain. Okay. Contrairement d'habitude que c'est toujours là, la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste là, en mois de juin. Mais là, cette année, compte tenu des événements, ben on a déplacé le tournoi le 8 et le 9. OK, OK. Ben, Junior, on rappelle évidemment que cette chronique est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet. Donc, pour tous vos besoins en automobile, ben, c'est Saint-Félicien Chevrolet où il faut aller. Junior Junot, un gros merci, on se reparle bientôt. Merci, Dani. Junior Junot.